بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 19, pardon, dans le cours numéro 19 dans le Sharh de Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabuni, rahmahullah, expliqué par le Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Dans les cours précédents, on a expliqué les explications ou la signification de al-istiwa. Istiwa Allah subhanahu wa ta'ala ala arshihi, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans 7 versets dans le Coran. Et le Cheikh il a énuméré les différents versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cet attribut. Puis ensuite, il a mentionné les significations de al-istiwa dans la langue arabe et que ça signifie le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'élève au-dessus de son trône. Et il a clarifié ensuite que parmi les gens de Bid'a qui ont refusé d'accepter l'affirmation de cet attribut, ils ont essayé de déformer le sens de cet attribut-là en l'interprétant comme étant la conquête du trône ou le fait de prendre le pouvoir sur le trône. Et Cheikh Rabi' il les a réfutés sur cet aspect-là et sur cette déformation-là avec 5 arguments qu'il a mentionnés. Et ces 5 arguments qui sont vraiment convaincants et conclusifs par rapport à ça. Ensuite, donc, le Cheikh il a continué dans son explication des autres versets qui parlent de Al-Istiwa. Et justement, on était rendu à l'explication du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, je crois que c'était le verset 59. Verset 59, oui, dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, donc, « ثم استوى على العرش » Il dit, وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا فهذا شاهد آخر على أن الاستواء حصل بعد أن خلق السماوات والأرض أو بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى السماء ورفعها والعرش مخلوق قبل السماوات ولو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء ما قال هذا الكلام كما قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء يمكن أن يكون قبل خلق السماوات بملايين السنين لكن الكتاب حصل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان العرش على الماء فكيف لم يحصل هذا الاستيلاء إلا بعد هذه الآمد الآماد الطويلة يا سفهاء يعني كان تحت سيطرة غيره أو كان مفلوتا هكذا بدون سيطرة من الله سبحانه وتعالى انظروا إلى كلام أهل السفه وهذا فيه من الضلال. Donc ici le Cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc dans le verset 59 dans Surat Al-Furqan. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Donc dans Surat Al-Furqan, verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme encore une fois qu'il s'est élevé sur le trône. Et le Cheikh, il explique que ça, encore une fois, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône après avoir créé les cieux et après avoir élevé les cieux. Et donc, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a été créé avant la création des cieux. Et donc, il dit, si le terme « istawa » avait la signification de « al-istila » comme le prétendent les gens de Kalam, parmi les gens de Bid'a, les Asha'ira et les Maturidiyah, ils disent que « al-istiwa » ça veut dire « al-istila », c'est-à-dire, au lieu de dire que « al-istiwa » signifie le fait qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, eux, ils prétendent que ça veut dire que Allah a conquis le trône ou qu'il a pris le pouvoir du trône. Alors, yani le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les cieux, plutôt il a créé le trône avant d'avoir créé les cieux. Donc, si, hein, c'est, si la signification de Al-Istiwa était le fait d'avoir pris le contrôle du trône, ça voudrait dire que Allah aurait créé le trône, puis ensuite il aurait créé les cieux, puis ensuite il aurait pris le contrôle du trône. Donc ça fait aucun sens. Et il dit le cheikh, même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toutes les créatures avant d'avoir créé les cieux et la terre par 50 000 ans. Hein? C'est-à-dire 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée des créatures. Et il dit, et son trône était sur l'eau. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, c'est possible que la création des cieux était des millions d'années auparavant. Mais l'écriture de la destinée des créatures, c'était 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et son trône était sur l'eau à ce moment-là. Donc, le cheikh, il dit, donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, pendant toute cette période, hein, de plus de 50 000 ans, Allah, à ce moment-là, n'avait pas encore le contrôle du trône. Hein? Pendant toute cette période, donc le cheikh, il dit, oh vous les faibles d'esprit, est-ce que vous ne réfléchissez pas? Et il dit donc, ça voudrait dire quoi? Que pendant 50 000 ans, le trône était sous le pouvoir de quelqu'un d'autre que Allah. Et donc, après 50 000 ans, après qu'il ait créé les cieux et la terre, il a pris le contrôle du trône, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qu'il contrôlait avant lui. Ça, c'est insensé. Hein? Puisque Allah, subhanahu wa ta'ala, personne, hein, ne peut prendre contrôle de son trône. Hein? Puisqu'il est le Tout-Puissant. Et en même temps aussi, le cheikh, il dit, ou sinon, s'il prétend qu'il était comme ça tout seul, sans aucune autorité, sans aucun pouvoir sur le trône. C'est-à-dire, le trône n'avait aucune... Allah n'avait aucun contrôle sur le trône auparavant. Puis c'est 50 000 ans après qu'il a décidé de prendre le contrôle du trône. Ça ne fait aucun sens. Hein? Donc, c'est clair que cette interprétation des Asha'ira ou des gens de Bid'a, elle ne peut pas être acceptée, non seulement parce qu'elle contredit le sens linguistique de la signification du terme istiwa, qui veut dire le fait de s'élever sur le trône, mais en plus de ça, elle a des implications qui sont totalement insensées et totalement fausses. Hein? Donc, on ne peut pas accepter ce genre de déformation. Et donc, c'est pour ça que les ulama disent que ces gens-là, ils se sont enfuis d'un problème qu'ils ont dans leur compréhension. En essayant de trouver une solution à ce problème dans leur tête, ils en ont ramené un qui est plus grave encore. Hein? Donc ils ont imaginé qu'en affirmant que Allah s'est élevé sur le trône, ils ont imaginé que ça impliquait une imperfection ou une ressemblance avec la créature. Puis finalement, ils ont affirmé quelque chose de différent qui contredit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et qui contredit la signification que les Arabes ont de cette expression-là de Al-Istiwa, et ils ont amené une interprétation différente qui est contradictoire et qui en plus a des implications, hein, désastreuses. Donc ça, c'est inacceptable. Et le cheikh, il dit ensuite, وَنَحْنُ نُورِدُ عَلَيْهِمْ هَذَا السُّؤَالِ اللَّهُ خَلَقَ الْعَرْشِ قَبْلَ السَّمَاوَاتِ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنَ الْآمَادِ وَالْدُّهُورِ فَهَلْ كَانَ غَيْرُهُ مَسْتُولٌ عَلَيْهِ وهل قدرة الله عز وجل على الاستيلاء على العرش لم تحصل إلا بعد خلق السماوات والأرض؟ الله خلق العرش قبل السماوات بما لا يعلمه إلا الله من الآماد والدهور. فإذا قلنا إن الاستواء بمعنى الاستيلاء فمعناه أن العرش كان منفلتا من عن قدرة الله وسيطرته وخارجا عن نطاق هذه القدرة. ثم لما خلق السماوات والأرض بعد ذلك حصلت القدرة لله عز وجل فاستولى على العرش. أدركتم فساد هذا القول الخبيث. Donc le cheikh il dit, on peut leur poser une question à ces gens-là. Hein? On leur pose la question que on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux. Et avant d'avoir créé les cieux, il a créé le trône. Et le trône, il a créé entre la création du trône et la création des cieux, il y a une longue période de temps. Hein? Et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait cette période, c'était combien. Alors le cheikh, il dit, est-ce que pendant toute cette période, il n'avait pas le pouvoir sur le trône? Est-ce que la puissance d'Allah, parce que eux ils disent que le terme istawa, ça veut dire prendre le contrôle, d'avoir le pouvoir sur le trône. Donc est-ce que à ce moment-là, le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas encore sur le trône? Allah n'avait pas encore le pouvoir du trône, excepté après avoir créé les cieux et la terre. Et donc il reformule encore une fois et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le trône avant les cieux. Et c'est seulement Allah qui sait dans quelle période qu'il y avait, ou quelle distance dans le temps il y avait entre la création du trône et la création des cieux et de la terre. Et donc si on dit que le terme al-istiwa, ça veut dire, comme eux ils le prétendent, que Allah a pris le contrôle du trône, alors ça voudrait dire que pendant toute cette période, Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas encore le contrôle du trône. Et que le trône était en dehors de son pouvoir et de sa puissance. Puis, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, après cela, c'est à ce moment-là qu'il a eu le pouvoir du trône et qu'il a pris le contrôle du trône. Il dit, vous voyez comment cette parole est corrompue et comment cette parole mauvaise est grave. Hein? Donc ça, c'est tous les problèmes qui découlent du fait de vouloir déformer le sens des attributs d'Allah et vouloir essayer de les interpréter par des significations qu'ils ont inventées eux-mêmes, au lieu de se référer à la réalité de ce que ces termes signifient dans la langue arabe, telle que les salafs l'ont compris, telle que les sahaba et les tabi'in et les tabi'in l'ont compris. Le cheikh il dit ensuite, « Wa qawluhu fi surat al-sajda, thumma stawa ala al-arsh. هذا جزء من آية السجدة انتزع آية من سورة السجدة وقال ثم استوى على العرش ثم قال وقوله سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش كم آية يذكر فيها خلقه للسماوات والأرض وبعد ذلك يعقبها بالاستواء على العرش أليس هذا بواضح على أن الاستواء على العرش إنما حصل بعد خلق السماوات والأرض فهو فعل خاص فهذه النصوص كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه وصرح بذلك في سبع آيات في كتابه المنزل واستواءه على العرش يدل على علوه والعلو ثابت بالكتاب والسنة وبالعقول وبالفطرة غلاة الفلاسفة يقرون أن الله وملائكته في السماء في العلو والجهمية ومن تابعهم من المعتزلة والخوارج والأشعرية وغيرهم في هذا الميدان أحط من الفلاسفة وأضل وأجهل من الفلاسفة الفلاسفة على ضلالهم وإلحادهم يعتقدون أن الله في السماء بل اليهود والنصارى يعتقدون أن الله في السماء آخذين هذا من التوراة والإنجيل فالتوراة والإنجيل فيها نصوص على أن الله في السماء والفلاسفة يعترفون بهذا عقولهم على ضلالها اعترفت بعلو الله وعقل جهم ومن تابعه نعوذ بالله صار في هذا الباب أضل من الفلاسفة الضالين الملحدين. Donc le cheikh il explique que dans tous ces dans le ensuite après sourate As-Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans ce verset là également le fait qu'il s'est élevé sur le trône. Il dit ثم استوى على العرش dans le verset 4. Et il dit ça après avoir mentionné la même chose que ce qu'il a mentionné dans les versets précédents, c'est-à-dire, il mentionne qu'il a créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre les deux en 6 jours, puis ensuite il s'est élevé sur le trône. Donc il dit dans combien de versets il y a eu la mention du fait que Allah a créé les cieux et la terre, et que après il s'est élevé sur le trône. Dans combien de versets Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cet événement-là ou cette réalité-là, c'est dans plusieurs versets, 6 versets dans lesquels il parle du trône et de son élévation sur le trône. il mentionne la création des cieux et la terre à ce moment-là. Et qu'il s'est élevé sur son trône après avoir créé les cieux et la terre. Il dit donc, ça c'est évident dans ce cas-là, que l'istiwa, le fait qu'il s'est élevé sur le trône, c'est arrivé après la création des cieux et de la terre. Donc c'est un événement spécifique. Hein? Et il dit donc, dans tous ces textes-là, il y a la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône. Et c'est exprimé de façon explicite et claire dans les 7 versets dans le Coran à ce sujet-là. Et on les a mentionnés dans les cours précédents. Et donc il dit le Cheikh, et donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé sur son trône, hein, ça indique une chose, qu'il est élevé au-dessus de sa création. Un des attributs d'Allah, c'est Al-Ulu. Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé. Il est élevé au-dessus de sa création, exalté, hein, et élevé au-dessus de sa création. Et parmi ces noms, il y a justement le fait qu'il est Al-Ali. Al-Ali qui veut dire celui qui est haut, hein, celui qui est élevé. Et Al-A'la, Al-A'la qui est la forme superlative, hein, de Al-Ali qui veut dire le plus haut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le plus haut, il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Hein? Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait wa anta al-dhahir, hein, laysa fawqaka shay. C'est toi qui es, hein, l'apparent ou celui qui est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toute la création, au-dessus de toute chose. Et même qu'il mentionne qu'au jour de la résurrection, il va faire des cieux, il va faire de la terre une poignée. Hein? Il va faire de la terre une poignée et il va plier les cieux dans sa main droite. Il va plier les cieux dans sa main droite. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit à propos de ce verset-là dans Surat Az-Zumar, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. Il dit à propos de ce verset que l'univers tout entier, toute la création, c'est comme un grain de sel dans la main de l'un d'entre vous. C'est-à-dire que l'univers tout entier, c'est même pas plus gros qu'un grain de sel pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Il n'y a rien qui est plus grand que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le Cheikh, il dit, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, ça c'est affirmé par le livre, le Coran, c'est affirmé par la Sunna, c'est affirmé par la raison, et c'est affirmé aussi par la fitra. La fitra, c'est-à-dire la nature saine que Allah a créé, sur laquelle Allah a créé chaque être humain, c'est-à-dire l'islam. Et le Cheikh explique ensuite, il dit, et les philosophes, même les philosophes, ils affirment que Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses anges, hein, sont au-dessus des cieux. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de la création et les anges aussi sont dans les cieux, c'est connu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé. Hein? Il est élevé, il a l'ulou. Tandis que les sectes déviées parmi les musulmans, comme ceux qu'on appelle les Jahmiya, et ceux qui les ont suivis parmi les Mu'tazila et les Khawarij et les Ash'ariya, et d'autres également parmi ces différentes sectes, comme les nouvelles qui sont apparues à notre époque et qui suivent ces voies, comme les Ahbash, eh bien ces gens-là, hein, dans ce domaine, ils sont plus bas, ils sont en dessous des philosophes. En dessous des philosophes, pourquoi? Parce que même les philosophes, malgré leur égarement, malgré leur mécréance, ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de la création et qu'il est dans les cieux. Même les juifs, même les chrétiens, ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Hein? Et ils se basent sur la Torah et sur l'évangile pour affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. Même un enfant, tu lui demandes, où est Allah? Hein? Il te dit, Allah est dans les cieux. Hein? Il est en haut. C'est quelque chose que Allah a créé à l'intérieur même de la nature de l'être humain. Même si quelqu'un dit qu'il est athée et qu'il ne croit pas en Dieu, le jour où il est dans une situation de détresse et qu'il craint pour sa vie et qu'il pense qu'il va mourir, soit parce qu'il est sur la mer en train de se noyer, ou bien parce qu'il est dans un endroit où il sait qu'il va périr, et à ce dernier moment-là, il se lève les yeux vers le ciel, puis il demande, hein, il demande à Dieu de le sauver. Pourquoi il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers les cieux? Hein? Pourquoi il ne se tourne pas vers la terre? Hein? Parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de lui. Hein? Et c'est de là que vient son secours. Donc, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, toujours vers les hauteurs, vers le haut. Et le cheikh, il dit donc, les chrétiens, ils affirment ça. Les juifs, ils affirment ça. Les philosophes, même, ils affirment ça. Et malgré qu'ils sont déviés, malgré qu'ils sont perdus dans leurs ignorances et leur égarement, mais dans ce point-là, ils ont affirmé la vérité par rapport à Allah. Tandis que la raison des égarés comme Jahm ibn Safwan et ceux qui l'ont suivi parmi ces différentes sectes, eh bien, eux, ils sont plus égarés que les philosophes, que les juifs et que les chrétiens dans ces domaines-là. Et donc, le cheikh, il dit, fal umam كلها حتى قريش وغيرها لما نزلت هذه الآية ما كانوا يجادلون فيها إنما يجادلون في توحيد العبادة أما توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية فلا ينازعون في ذلك ومن الأدلة على ذلك أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض من رب العرش من رب الأرض يقولون الله لا ينازعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات أبدا وإنما ينازعون في توحيد العبادة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يعني يعاندون أما إذا قيل لهم الله رب السماوات الله رب العرض الله استوى على العرش الله قدير سميع بصير لا يكابرون في ذلك إنما يعاندون في توحيد العبادة فهم يرون أن العبادة ليست خاصة بالله وإنما هي مشتركة بين الله وبين معبوداتهم ويحاربون هذا على هذا وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل هذا أما في صفات الله وفي ربوبيته فما كانوا يجادلون في ذلك أبدا وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Donc le cheikh il explique un point ici qui est très intéressant puis qui est très important aussi, c'est que la plupart des peuples et même Quraysh qui était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la tribu, sa propre tribu, sa propre famille, même quand il a eu des problèmes avec cette tribu de Quraysh, c'était jamais au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets dans lesquels il dit Ar-Rahman ou Al-Arsh istawa ou bien Thumma istawa Al-Arsh, les gens de Quraysh n'ont jamais argumenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Ils n'ont jamais eu de conflit ou de difficulté à comprendre cet aspect-là. Et c'était pas là-dessus qu'ils avaient des conflits avec le messager d'Allah. Ils avaient des conflits et il disputait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam uniquement à propos de l'unicité d'Allah par rapport à son adoration. Mais en ce qui concerne l'unicité d'Allah par rapport à ses noms et à ses attributs, ou par rapport à sa seigneurie et le fait que c'est lui le maître, le créateur, le pourvoyeur, celui qui contrôle le ciel et la terre, qui a le contrôle sur tout et qui a tout créé, les gens de Quraysh n'étaient pas contre ça. Les mouchriquins, ils avaient accepté cet aspect-là. Et ils croyaient que Allah est unique. Hein? C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui. Il y en a des gens qui pensent que les mouchriquins de Quraysh, c'est des gens qui ne reconnaissaient pas que Allah existe et qui adoraient des statues et qui pensaient que ces statues-là, c'était Allah. Jamais. Les gens de Quraysh n'ont jamais pensé ça, ils n'ont jamais cru à ça. Ils savaient très bien que ces statues qu'ils adoraient, c'était pas Allah. Mais ils les prenaient comme des représentations des intermédiaires et des intercesseurs qu'ils adoraient dans le but de se rapprocher d'Allah. D'accord? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plusieurs versets, justement à ce sujet-là, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur demandait, وَإِذَا قِلَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Hein? وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui les a créés eux, ils vont dire Allah, Allah nous a créés. Donc les mouchriquins de Quraysh n'avaient pas de problème à reconnaître que Allah c'est lui qui a créé les cieux et la terre, ou que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé leur être, leur personne. Hein? Il y a un verset dans surat, je ne me rappelle plus exactement quel verset, je pense que c'est dans surat Saba. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ أي نعم قل من يرزقكم من السماوات والأرض أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein? Dis, ô Muhammad, hein? Qul, ah oui, c'est ça. Dis, qui vous donne votre subsistance? Hein? Demande à ces mouchriquins, ô Muhammad, demande-leur, pose-leur la question. Qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Qui yani, fait sortir le vivant du mort? Qui fait sortir le mort du vivant? Hein? Qui contrôle toutes les choses dans l'univers? Ils vont dire Allah. Eh non, قل من يرزقكم من السماوات والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. Et qui détient lui et la vue, hein? Qui contrôle lui et la vue, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur poser cette question là. Et à chaque fois, ils répondent Allah. C'est Allah qui contrôle tout ça. C'est Allah qui fait tout ça. Alors, s'ils le savent, Allah il leur dit à la fin, فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. C'est-à-dire, s'ils répondent Allah à ces questions-là, et qu'ils affirment que c'est Allah qui a créé tout ça et qui contrôle tout, alors, il dit, alors pose-leur la question, أَفَلَا تَتَّقُونَ. N'allez-vous pas vous protéger et vous préserver de son châtiment en l'adorant lui seul et en cessant d'adorer autre que lui, en cessant de prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre vous et lui? N'allez-vous pas l'adorer directement et exclusivement comme il vous le demande? Hein? C'est ça en fait. Et même que Allah, le Cheikh, il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 35 dans sourate As-Saffat, hein, que ces gens-là, ils disputaient uniquement à propos de l'adoration et de l'unicité d'Allah dans son adoration. Et dans le verset 35, dans sourate As-Saffat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Innahum idha qila lahum, innahum kanu idha qila lahum, la ilaha illallah, yastakbirun, wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ces gens-là, lorsqu'on leur disait « La ilaha illallah », c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. « Yastakbirun » Ils s'enflaient d'orgueil. Et beaucoup de musulmans, parce qu'ils n'ont pas compris la signification de « La ilaha illallah » et parce qu'ils l'ont interprété incorrectement, ils n'arrivent pas à saisir cette signification-là. Parce que beaucoup de musulmans, si tu leur demandes « Qu'est-ce que ça signifie « La ilaha illallah » ?» ils pensent que ça veut dire « La khaliqa illallah »« La raziqa illallah » Hein? Alors que ça, c'est totalement faux. Ça, c'est seulement une partie de la signification de la ilaha illallah, mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire, eux, ils disent, au lieu de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils interprètent la ilaha illallah comme étant ou comme signifiant qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah. Il n'y a pas de maître excepté Allah. Mais ça, même les mouchriquins de Quraysh, ils le savaient déjà et ils l'acceptaient. Ce n'était pas ça leur problème. Les mouchriquins de Quraysh, leur problème, c'était par rapport à l'adoration. Ils ne voulaient pas rendre le culte et l'adoration exclusive à Allah. Ils voulaient continuer à prier et à adorer d'autres avec Allah. Ils pensaient qu'en se rapprochant des créatures, ils pouvaient se rapprocher d'Allah encore plus. Donc, ils les prenaient comme des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah. Et c'est comme ça qu'ils faisaient le shirk. Hein? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit non, adorez-moi seul, adorez-moi directement, sans passer par quelqu'un, sans passer par quelque chose. Adorez-moi directement. Et ne cherchez pas le bien ou la guidance ou la guérison ou quoi que ce soit des créatures. Demandez-le-moi directement à moi seul. Hein? Donc ça, c'est des choses, beaucoup de gens aujourd'hui, tu leur demandes, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Et tu vois qu'ils te donnent n'importe quelle traduction en français, ils te l'interprètent n'importe comment, ils disent. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent, par exemple, que la ilaha illallah, ça veut dire « il n'est de Dieu que Dieu » ou « il n'y a de Dieu que Dieu ». Ça, en réalité, ça ne veut rien dire. Ça n'a rien à voir avec la signification de la ilaha illallah. Parce que « il n'est de Dieu que Dieu », ça, c'est une phrase qui... C'est comme si tu dis « il n'y a de soleil que le soleil ». Est-ce que ça te rajoute quelque chose? Non. Parce que tu le sais qu'il y a un Dieu. Déjà, si tu sais qu'il y a un Dieu, ça, le fait de dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est pas quelque chose qui amène un conflit ou une complication dans la compréhension. Alors que lorsque tu dis, il n'y a rien qui mérite d'être adoré, il n'y a rien qu'on doit adorer, il n'y a rien à qui on doit se prosterner, il n'y a rien devant qui on doit se prosterner, il n'y a personne à qui on doit prier, il n'y a personne qu'on doit invoquer. Il n'y a personne à qui on doit offrir une adoration quelconque, excepté Allah, le Créateur, et personne d'autre que lui. Là, ça crée un problème aux mushrikin. Parce que justement, ça implique qu'ils doivent cesser d'adorer ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, même s'ils ne croient pas que cette chose qu'ils adorent est nécessairement Allah. Tawhid dans l'adoration. Tawhid ou l'ibad en particulier, parce qu'il y a tawhid al-rububiyya, qui est le fait d'affirmer que Allah est le seul créateur, et Tawhid al-Asma al-Sifat, qui est le fait d'affirmer que Allah est le seul qui possède les attributs de perfection, hein, et les noms qu'il possède, qui sont des noms de perfection. Mais l'aspect le plus important dans le Tawhid, c'est la troisième, c'est le Tawhid dans l'adoration. Parce que si par exemple quelqu'un, il dit par exemple, je donne un exemple, si quelqu'un, il croit qu'il peut prier à ce stylo. Alors ça veut dire quoi? S'il prend ce stylo, il dit, ce stylo, il me protège. Si quelqu'un veut me faire du mal, ce stylo va repousser le mal. Si quelqu'un, si je tombe malade, si je porte ce stylo sur moi, ce stylo va me guérir. Hein? C'est pas nécessaire qu'il se prosterne nécessairement devant le stylo. Juste le fait même de croire que le stylo, il est capable de faire ça, ça c'est du shirk en soi. Et c'est s'il prie à son stylo, et il demande à son stylo de le guider, de le protéger, de l'aider, de lui donner le pardon ou des choses comme ça. Ça c'est une adoration qu'il offre à ce stylo, ça devient sa divinité. Même s'il ne croit pas que ce stylo a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas une condition pour que tu prennes quelque chose comme une divinité que tu crois que cet objet, que cette chose ait créé les cieux et la terre ou qu'il soit le seul maître ou le seul qui contrôle l'univers. Ce n'est pas une condition. Du moment que tu l'adores avec Allah ou en dehors d'Allah et tu crois que cet objet-là, hein, tu peux l'adorer, même si tu ne crois pas qu'il a créé les cieux et la terre, ça c'est du shirk. Mais il y a des gens parmi les musulmans qui disent non, tant que tu n'as pas cru que ce stylo il peut créer, alors dans ce cas-là, tu n'as pas fait de shirk. Parce que là, ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de créateur excepté Allah. Et cette interprétation de la ilaha illallah, elle est incorrecte, elle est fausse, et elle est restrictive, elle limite la réelle signification de ce que signifie réellement la ilaha illallah. Hein, quand tu dis à un chrétien, il n'est de Dieu que Dieu, le chrétien il va te dire oui, je suis d'accord. Pourquoi il va te dire lui qu'il est d'accord? Parce que lui, il dit je prie à Dieu, je crois en Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, il est d'accord avec ça. Mais si tu lui dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah le Créateur, ça veut dire que tu ne dois pas prier à Jésus, tu ne dois pas prier à Marie, tu ne dois pas prier aux saints. Hein, tu ne dois pas prier à une tombe, tu ne dois pas prier à une croix, tu ne dois pas prier à une image. Là, ça lui cause un problème. Parce que eux, ils croient, les chrétiens, que tu dois passer par Jésus pour aller à Dieu. Tu ne peux pas prier directement à Dieu. Si tu pries directement à Dieu, il croit que ta prière ne sera pas acceptée. Il faut passer par Jésus selon eux, ou par Marie, ou par un autre saint parmi les saints. Mais si tu adores Allah directement, pour eux, ça ne compte pas. Hein? Alors que ça, c'est du shirk. Oui, il y a une différence entre mushrik et kafir. Parce que tout mushrik est kafir, mais pas tout kafir est nécessairement mushrik. Quelqu'un peut tomber dans le kofr sans faire de shirk. Et le kofr, c'est par exemple le fait de renier ce que Allah a affirmé. Par exemple, quelqu'un qui dit « moi je ne crois pas aux anges ». Il dit par exemple « moi je crois en Allah, je crois aux messagers, mais je ne crois pas aux anges ». Tu lui dis « oui, mais comment ça tu ne crois pas aux anges ?» Allah, il nous a dit dans le Coran que les anges existent. Et il nous a ordonné de croire aux anges. Donc, si tu ne crois pas aux anges, tu ne crois pas en Allah. Hein? Alors, ça, c'est un exemple. Quelqu'un pourrait être kafir hein, en ne croyant pas en ce que Allah nous a ordonné hein, de croire et d'accepter. Et cette personne-là, pourtant, n'a pas commis de shirk. D'accord? Donc, ça, c'est important de comprendre cette distinction-là. Tandis que celui qui fait du shirk, il commet un acte de kofr parce que Allah a interdit le shirk et même que c'est le plus grand de tous les péchés et que ça annule complètement la foi d'une personne. Même si la personne qu'il fait prétend être croyante ou bien prétend avoir la foi ou même si elle fait la salat, même si elle donne la zakat, même si elle fait le hajj et même si elle dit la ilaha illallah avec sa bouche, mais qu'elle fait le contraire dans ses actions ou dans sa croyance parce que quand elle prie à une créature. Ça, c'est du shirk. Donc, ça annule cette parole de la ilaha illallah. Hein? Na'am, fasalli li rabbika wanhar. C'est-à-dire, c'est à ton Seigneur que tu dois prier et c'est à lui que tu dois sacrifier seulement et non pas à une créature. Et inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirt. C'est-à-dire, ma prière, mon sacrifice, hein, et ma vie et ma mort sont, appartiennent à Allah. C'est-à-dire, c'est à lui seul, à Allah seul que j'offre ça et que je donne ça. À personne d'autre que lui. Donc, le terme ilah, ça peut être n'importe quel objet, ou n'importe quelle personne, ou n'importe quelle chose à laquelle tu as voué un culte. Ce n'est pas nécessaire que tu as cru qu'elle a créé quoi que ce soit. Si quelqu'un il croit en ce stylo, il pense que ce stylo peut le protéger, ou peut le guérir, repousser le mal, lui amener du bien, comme un porte-bonheur, ça c'est du shirk. Que ce soit ce stylo ou n'importe quelle autre créature parmi les créatures. Si il prie à ce stylo, ou qu'il se prosterne à ce stylo, hein, ou qu'il demande à ce stylo quoi que ce soit, alors que c'est un objet inerte qui n'a aucun pouvoir, hein, qui ne peut rien faire, eh bien ça c'est du shirk. Et il en a fait un ilah. Hein, ça devient son ilah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dans le shahad, on dit la ilaha. Il n'y a pas d'ilah, excepté Allah. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ilah, dans le sens qu'il n'y a rien qui est adoré en dehors d'Allah dans la réalité. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que parmi les choses que les êtres humains adorent, parmi les choses, les créatures que les êtres humains adorent en dehors d'Allah, il n'y a personne qui mérite d'être adoré. C'est seulement Allah qui mérite d'être adoré. Et c'est ça la signification de la ilaha illallah. Et malheureusement, beaucoup de gens, ils n'ont pas compris cette signification-là. Et c'est pour ça qu'ils contredisent la signification dans leurs paroles et dans leurs actions par la suite. Et ça, parmi les gens qui ont dévié dans cette question-là, justement, c'est les Mu'tazila et les Asha'ira. Hein? Et beaucoup de groupes, parmi les groupes de bid'a qui ont cette compréhension-là, ils ne croient pas en que le tawhid comprend ces trois catégories. Tawhid al-Rububiyya, wa tawhid al-Asma al-Sifat, wa tawhid al-Ibadah. Donc eux, ils affirment tawhid al-Rububiyya. Même les mouchriquins de Quraysh, ils affirmaient Tawhid al-Rububiyya. Hein? Le fait qu'Allah est le Seigneur, le Créateur, le Maître de tout. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour être un musulman. Et c'est pour ça, donc, il est important d'étudier la signification du Tawhid. Sinon, quelqu'un, il peut facilement tomber dans le shirk sans même le savoir. Et le Cheikh, il dit, « Wa amma hein? » Il dit, donc, si tu dis aux mouchriquins, « Allah, c'est le Seigneur des cieux. Allah, c'est le Seigneur de la terre. Allah s'est élevé sur le trône. Allah, c'est le Tout-Puissant. Allah est audient. Allah est voyant. » Ils ne vont pas s'enfler d'orgueil devant ça. Les mouchriquins de Quraysh, ils acceptaient, ils croyaient en ça, ils étaient d'accord là-dessus. C'est pas là-dessus qu'ils avaient des problèmes avec le messager d'Allah. Ils avaient des problèmes et ils s'obstinaient, ils refusaient d'accepter la question qui a rapport avec l'unicité d'Allah dans l'adoration. Parce que eux, ils considéraient que l'adoration n'était pas exclusive à Allah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala pouvait être adoré avec d'autres parmi les créatures. Que c'était pas nécessaire qu'on adore seulement Allah ou de façon exclusive. Et donc, ils ont voulu combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les croyants par rapport à cette question-là. Et c'est pour ça qu'ils ont lutté contre lui pendant toutes ces années, seulement par rapport à la question de l'adoration en particulier. Et c'est pour ça qu'il y a des anthropologues parmi les koufars et parmi les gens de Bid'a aujourd'hui qui essaient de revenir dans l'histoire pour étudier l'origine de l'islam hein, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui font des recherches archéologiques pour essayer de trouver de reconstituer les croyances des mouchriquins parmi les arabes et qu'est-ce que c'était leur religion à l'époque. Et ils sont étonnés de découvrir que ces gens-là croyaient en l'existence d'un Dieu unique. Alors eux, ils disent, mais comment ça se fait que dans ce cas-là, on dit qu'ils étaient polythéistes? Comment on dit qu'ils étaient polythéistes alors qu'ils croyaient en un Dieu unique? Parce que le terme polythéiste, déjà, il est confondant et il est ambigu. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que celui qui est polythéiste, ça veut dire que du fait qu'il a reconnu que Dieu est unique, ça veut dire qu'il ne fait pas de shirk. Hein? Alors que quelqu'un peut reconnaître que Dieu est unique et faire du shirk malgré tout. Regardez les chrétiens. Ils disent que Dieu est unique, mais après ils disent que c'est une trinité. Et ils se permettent par la suite de prier à Jésus, de prier à Marie, et ainsi de suite. Même les témoins de Jéhovah qui disent qu'ils ne croient pas en la trinité. Hein? C'est des chrétiens. Ils disent, nous les témoins de Jéhovah, on ne croit pas en la trinité. Sauf qu'ils prient à Jésus malgré tout. Et ils passent par Jésus pour adorer Dieu. Donc ces gens-là, hein, ils ne voient pas la contradiction entre le fait de croire en un Dieu unique et d'adorer d'autres que Dieu, d'adorer d'autres que Allah seul. D'accord? Donc, le fait de dire que quelqu'un est polythéiste, pour nous les musulmans, ça voudrait dire, il y en a qu'il est mouchrik, même s'il croit que Dieu est unique. Même s'il est monothéiste, quelqu'un peut être polythéiste. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il n'est pas bon d'utiliser les termes français pour expliquer des réalités islamiques. Pourquoi? Parce que les notions en langue française, les notions que les gens ont sur la religion sont des notions qui sont tirées de leur philosophie gréco-romaine, de leur croyance. Hein? Et beaucoup d'entre eux, parmi les Romains et les Grecs, ils priaient à toutes sortes de divinités, ils croyaient en toutes sortes de divinités. Hein? Les dieux de l'Olympe, Zeus, Yanni, et tous les autres Poséidon et chaque c'est ça. Chaque élément de la nature, ils en ont fait une divinité. Hein? Au lieu de réaliser que tous ces éléments de la nature sont des créatures d'Allah et que c'est Allah qui les contrôle toutes. Ils ont divisé chacune de ces éléments, puis ils en ont fait une divinité qu'ils adorent en dehors d'Allah. D'accord? Donc ça, c'est à cause de leur ignorance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans Surat al-Najm, il dit إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. C'est-à-dire, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre à leur sujet aucune preuve. Hein? Donc, ces divinités-là, elles n'existent pas. Et même lorsque tu étudies ou lorsque tu regardes les croyances qu'ils ont à propos de ces soi-disant divinités, hein? Des divinités grecques, ils avaient des défauts, ils avaient de l'ignorance, ils avaient ils n'étaient pas infaillibles. Hein? Certains, même parfois, parmi les êtres humains, pouvaient même les battre. Hein? Oui. Oui, bon, ils prenaient même des femmes, comme le Zeus, par exemple, qui prenait des femmes parmi les mortels, et ils avaient des bébés avec ces femmes-là, puis ça devenait des demi-dieux. Et c'est de là que vient justement la croyance des chrétiens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'était facile pour les Grecs, hein, et les Romains d'accepter ça parce qu'ils avaient ces notions-là. Et les Romains, ils ont emprunté les divinités qu'ils avaient des Grecs. Ils ont juste changé leur nom. C'était les mêmes. Hein, et ils les associaient à des constellations dans les cieux. Hein, et même que les mois de l'année, hein, janvier, février, mars, c'est des noms de divinités grecques, hein, et romaines. Donc tout ça pour dire que, hein, ces gens-là, ils étaient, les koufars, les chrétiens, ils vont dire ça, c'était des polythéistes, d'accord? Et eux, ils se considèrent monothéistes. Et même j'ai lu dans un article dernièrement qui disait, lorsque le monothéisme est apparu, parce que selon les anthropologues, à l'origine, les hommes étaient polythéistes. Puis, à un certain moment, ils ont évolué jusqu'à ce qu'ils deviennent monothéistes. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne, hein, dans le Coran et les prophètes, que Adam alayhi salam était sur le tawhid et que les hommes sont restés sur le tawhid jusqu'à Nuh alayhi salam. Donc, les premiers, l'humanité à la base, elle n'est pas sur le polythéisme ou sur le shirk. À la base, l'être humain, il est sur le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, j'ai créé mes serviteurs, hunafa. Hein? Il dit, كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. À la base, l'enfant, il est né sur, hein, la fitra, c'est-à-dire sur l'islam. Il reconnaît l'existence d'un Dieu unique. Hein? Mais c'est ses parents qui le font dévier par la suite. Et donc, les êtres humains, ils étaient sur le tawhid jusqu'à l'époque de Nuh, alayhi salam. Et quand le shirk est apparu pour la première fois dans l'humanité, c'était par rapport justement à l'exagération des hommes par rapport aux hommes pieux. Hein? Quand ils ont pris Wad, Wasuwa', Wayaruth, Wayaruq, Wanasr, et qu'ils les ont, hein, ils ont fait leur statue, ils les ont mis au milieu de la place, parce que le shaitan a dit, hein, leur a inspiré, qu'en faisant ça, il allait pouvoir se rappeler d'eux, hein, et savoir que c'était des gens de bien, et suivre leur exemple. Alors, ils l'ont fait. Ils ont fait leur statut. Et quelques temps après, des générations plus tard, ils ont oublié la raison pour laquelle ils les avaient créés, hein, pourquoi ils avaient fait ces statuts. Et le shaitan est venu leur faire comprendre que c'était pour les adorer, ou pour les prendre comme des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah. Et ils ont commencé à les adorer. Et c'est comme ça que le shirk est rentré dans l'humanité. Et c'est à partir de ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Nuh alayhi salam pour ramener l'humanité au tawhid. Et à chaque fois qu'un peuple déviait de ce message de base du tawhid, hein, il envoyait un messager pour les ramener au message d'origine et au tawhid d'Allah, à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc, tout ça pour dire qu'à la base, les êtres humains étaient sur le tawhid. Le shirk est apparu ensuite, hein, c'est par la suite que le shirk est apparu, et non pas l'inverse. Mais ces anthropologues, aujourd'hui, c'est le contraire qu'ils disent. Alors que dans leur théorie biologique, hein, et sur la biologie et sur toute la scientifique, ils disent toujours que les choses commencent toujours par un organisme, à la base, puis elle se complexe, elle se complexifie, ça devient plusieurs par la suite. Donc ils disent à la base, il y avait une cellule, puis cette cellule s'est développée, puis c'est devenu plusieurs. Donc ce serait beaucoup plus logique s'ils étaient honnêtes d'affirmer l'unicité d'Allah en premier, puis par la suite de mentionner que le shirk est apparu. Mais pourquoi ils disent que le shirk c'est à l'origine? Pourquoi? Parce qu'ils creusent dans la terre et ils cherchent des vestiges, des choses anciennes. Et tout ce qu'ils trouvent comme manifestation de religion, c'est des exemples de statues et des idoles que des gens adoraient. Pourquoi ils ne trouvent pas de signes de manifestation de l'unicité d'Allah? Parce que les croyants en l'unicité d'Allah, ils n'ont pas de statues, ils n'adorent pas des choses visibles. Hein? Ils adorent seulement Allah. Donc, y a pas, ils ne vont pas trouver dans leur recherche ou dans leur truc là, quand ils creusent dans la terre pour trouver des choses, ils vont pas trouver des exemples de pour établir que l'unicité d'Allah était établie dans l'humanité à l'origine. Pourquoi? Parce que justement ils n'adoraient pas de statues, ils n'adoraient pas de choses palpables, ils faisaient pas de représentation de quoi que ce soit pour adorer Allah. Ils adoraient Allah directement. Donc il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'en creusant et en retournant dans ces tombes et dans ces cherchant ces statues, ils essaient de faire revivre le shirk qui est mort, et en particulier dans les pays musulmans. Parce qu'ils veulent que les musulmans de ces différents pays-là, que ce soit en Irak, que ce soit en Afrique, que ce soit en Égypte, que ce soit ailleurs, ils veulent dire aux peuples qui vivent dans ces pays-là aujourd'hui, qui sont musulmans, regardez votre héritage, regardez votre histoire, regardez dans le passé, qu'est-ce que vos ancêtres faisaient. Hein? Ça, c'est votre héritage. Ça, c'est, ils disent, c'est, comment on dit, le patrimoine. C'est votre patrimoine, c'est le patrimoine de l'humanité, blablabla. Tout ça, pourquoi? Pour ramener les gens au shirk. Et pour que les gens retrouvent de la fierté dans leur passé, lorsqu'ils étaient mouchriques. Puis ensuite de leur dire, ah, mais ça c'est les Arabes qui sont venus, qui vous ont amené l'islam et qui vous ont enlevé votre passé et vos croyances anciennes. Ils disent, ils font ça partout. Ils font ça dans les pays musulmans, même dans le nord de l'Afrique, là où il y a les Berbères, les Amazirs et tout. Ils disent, ah, mais vous avant l'islam, vous étiez pas ça, vous étiez ça, vous étiez... Hein? Alors que notre premier père, celui qui est à l'origine de chacun d'entre nous, c'était un mouahid qui était sur le tawhid et sur la religion de l'islam. Alors peu importe quelle religion les êtres humains ont pu adopter après, notre origine à la base c'était le tawhid. Et tout ce qui a pu nous dévier, nous faire détourner du tawhid, c'est une religion du mensonge et du batil. Hein? C'est comme aujourd'hui, tu vois que les Européens... Ils sont chrétiens. Avant ça, ils étaient dans toutes sortes de croyances de shirk. Mais à l'origine, comment le shirk est apparu? C'est par rapport à l'adoration du shaitan et à l'égarement que le shaitan il a fait rentrer dans l'humanité quand ils sont tombés dans l'exagération au sujet de justement des hommes pieux et ainsi de suite. Donc le shaykh, il termine ce point-là en disant donc que ces gens-là, ils disputaient uniquement à propos de l'adoration, non pas à propos des attributs d'Allah, ni à propos du fait que c'est lui le Seigneur de l'univers. Et donc, il disait par exemple, « Ma na'abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Wa ya'abuduna min dunillah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, wa yaquluna ha'ulai shufa'auna inda Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi s-samawati wa la fi l-ard, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, allez-vous nous informer? Allez-vous informer Allah de ce dont il n'a aucun savoir ni dans les cieux ni sur la terre? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne connaît pas ces intermédiaires et ces intercesseurs-là parce qu'ils n'existent pas. Hein? ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Donc ça veut dire, يعني Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si il les défie et il se moque d'eux en même temps en disant, hein, il dit, et le verset 52 dans Surat Al-Kahf, il dit, et le jour où il dira, appelez ceux que vous prétendiez être mes associés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas qu'il a des associés ou des partenaires, parce que dans plusieurs versets, il clarifie, hein, la sharika lahu, il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé. Il n'a pas de partenaire et d'associé, ni dans la création, parce qu'il a tout créé seul. Et tout lui appartient à lui seul. Et c'est lui le maître de l'univers. Lui seul. Il ne partage même pas un atome avec une créature quelconque. Donc il est sans associé, sans partenaire dans la création. Il est sans associé, sans partenaire dans ses noms et dans ses attributs. Personne ne partage ses noms de perfection, ni aucun de ses attributs de perfection. Il est unique dans ses noms et dans ses attributs, et il est également sans partenaire et sans associé dans son adoration. Ça veut dire que personne n'a le droit d'être adoré avec lui ou de partager quoi que ce soit de l'adoration qui lui est vouée. Donc, ceux qui, parmi les mushrikines, donnaient à Allah des partenaires, soit directement ou indirectement, soit consciemment ou soit inconsciemment, dans le sens que peut-être que des gens qui donnent des associés à Allah sans réaliser qu'ils sont en train de faire ça, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire au jour de la résurrection, appelez-les, appelez ceux que vous prétendiez être mes associés. Hein? C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala les met au défi. Et il dit, et ils les invoqueront, mais eux ne leur répondront pas. Hein? Et nous aurons placé entre eux une vallée de perdition. Et il y a aussi dans Surat Fatir, dans Surat Fussilat, à la fin, un verset semblable à celui-là qui donne cette signification-là. Bon, ici, il y a un verset qui dit « وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِ قَالُوا أَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ » Le verset 47 dans Sourate Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le jour où il les appellera, où sont mes associés? Aina shuraka'i? Hein? Il va dire aux mushrikin, aina shuraka'i? Où sont mes associés? Ceux que vous adoriez en dehors de moi ou avec moi. Ils diront, adhannaka ma minna min shahid. C'est-à-dire, nous te déclarons qu'il n'y a point de témoin parmi nous. Hein? Et il dit ensuite, wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl. C'est-à-dire, l'homme et ceux qu'ils invoquaient auparavant les délaissera, hein, et ils réaliseront qu'ils n'ont point d'échappatoire. Ils ne peuvent pas s'échapper à ce moment-là. Et également dans Surat Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. C'est-à-dire, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et elles, c'est-à-dire leurs divinités, sont indifférentes à leurs invocations. Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration pour elles. Donc tout ça pour dire, Yanni, que tout ce que les êtres humains peuvent adorer en dehors d'Allah, peu importe, au jour de la résurrection, hein, ils ne pourront rien pour eux et ils vont se renier les uns les autres. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, on continuera la suite de cette explication. Bi'idhnillah. Au prochain cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام.